Sardaigne en Moselle. J'ai trouvé le temps long, j'ai trouvé le temps con, de pas passer plus vite. Pourtant j'étais tranquille, y'avait un froid d'été, équilibre fragile dans la guerre des degrés. J'étais pas si pressé, le train allait en paix, je laissais reposer ma tête contre la vitre. Et ainsi je tremblais, et ainsi je tombais dans le grand précipice des rêves qui font l'épître. Plus que les moutons. Et puis de temps en temps, je fredonnais la chanson que trois adolescents avaient chanté à l'unisson. Le plus en tête, parfois le monde n'est rien qu'un petit tas de rien. Et moi, dans ce tas, j'étais encore en train, partant vers la Moselle. Trop tôt. Le matin.